Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à notre écoute sur Radioactive. Aujourd'hui dans le MAG, on vous emmène à Saint-Martin-le-Beau et plus précisément à l'auberge de la Treille, un restaurant gastronomique qui ne se contente pas d'éveiller les papilles, mais qui éveille également les esprits. Depuis 2011, ce lieu unique accueille des rencontres littéraires, mêlant le plaisir des mots à celui d'aimer, quand même à le rappeler, le propriétaire des lieux, Christophe Lagorce, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe. Bonjour Marlène, bonjour aux auditeurs de Radioactive, comment allez-vous ? Ça va très bien, on était en train de se dire qu'on ne s'était pas vu depuis quelques temps déjà. Ben oui, le temps passe bien vite. Tout à fait. Alors justement, la dernière fois qu'on s'était vu, vous nous aviez parlé des pièces de théâtre qui allaient avoir lieu au mois de septembre. Oui, c'était dans les ça. Locaux. Alors, un petit retour là-dessus, est-ce que ça s'est bien passé ? Ben, formidablement, puisqu'on a rejoué, plus exactement, Philippe Ouzounian a rejoué le vieux qui aimait les fautes d'orthographe. Oui. Et puis pour la première fois, il nous a fait voyager à travers l'alphabet, justement. Et il est en quelque sorte notre, je dirais, invité un peu maintenant traditionnel. C'est devenu un rituel puisqu'il est question de le reprogrammer à la rentrée de l'automne. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore arrêté de date parce qu'il se bouscule beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'auteurs sont attendus. On a déjà des dates calées pour le mois de septembre avec des livres de la rentrée, mais aussi des livres sortis un peu plus en amont, à savoir au mois d'avril, mai, juin, qui n'est pas facile de caler dans ce premier semestre 2025. Donc, vous voyez, Marlène, on a déjà du monde qui se bouscule au portillon pour le mois de septembre et début octobre. Je peux déjà annoncer la venue de Lynn Papin pour son nouveau livre qui vient tout juste de sortir chez Stock, qui s'appelle La Vague. Et c'est avec un immense bonheur qu'on retrouvera Lynn Papin pour une quatrième rencontre. Elle fait partie maintenant des auteurs les plus familiers, les plus fidèles de l'auberge. Et puis c'est une romancière qui a un talent fou, une écriture très ciselée, qui aborde des thèmes souvent liés au féminisme, mais pas que, à la passion amoureuse, ce que ça représente, ce que ça implique, les conséquences. Donc on est toujours très heureux de recevoir Lynn Papin, qui pour moi est vraiment un des auteurs majeurs de cette jeune génération, puisque je rappelle, elle n'a pas encore 30 ans. Hein. Oui, tout à fait. Donc, elle est née en 1996. Alors, on parlait de la fidélité des auteurs qui viennent à l'auberge, mais justement, est-ce que c'est eux qui vous rappellent en disant « Christophe, j'aimerais revenir ». Comment ça se passe, justement, cette programmation ? Oui, ça peut arriver. Après, c'est vrai qu'il y a quelques auteurs qui font partie maintenant de ce petit cercle restreint et qui reviennent régulièrement. Ce sera le cas, par exemple, de Pierre Assouline, qu'on a reçu en décembre dernier pour son livre « Comment écrire » et qui sera de nouveau à l'auberge le 25 septembre prochain, pour un livre très attendu puisqu'il s'agit du dictionnaire amoureux de la lecture et l'endroit est vraiment rêvé puisque nous ne cessons de mettre en avant la littérature, donc indirectement la lecture, et nous avions envie d'accorder une place à Pierre Assouline pour ce livre dans cette collection que moi j'apprécie énormément. Cette année, on a eu l'occasion de programmer par exemple Eric Fotorino pour son dictionnaire amoureux du vélo, et c'est vrai que c'est une collection très particulière parce que ça mélange la passion et puis ça mélange aussi la subjectivité, parce que qui dit dictionnaire amoureux, dans le mot amoureux, il y a le mot amour, donc forcément, quoi de plus subjectif que l'amour ? On sait très bien que vous, Marlène, vous n'aimerez pas forcément les mêmes choses que moi, mais on ne peut qu'aimer la lecture, donc ce dictionnaire amoureux est très attendu. Voilà. Puis c'est tout l'avantage des livres, c'est qu'on tourne les pages de ceux qu'on aime. Ah oui, c'est vrai. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que certains auteurs m'annoncent la parution de leur livre avec un peu, je dirais, d'impatience et aussi quelques mois avant que le livre ne sorte. Donc, forcément, ça nous met l'eau à la bouche, aussi bien le libraire Frédéric Gerbignot que moi-même. Et on se dit, on ne peut pas laisser passer cet auteur, on ne peut pas laisser passer ce livre. Mais forcément, on ne le fait pas pour tous les auteurs, parce que on ne voit que les mêmes, en fait. Mais donc, notre envie, c'est aussi de renouveler et d'élargir la famille. Mais c'est vrai que cette année, on a et on va accueillir des auteurs pour la première fois. Ce sera le cas, par exemple, d'Anne Goscinny le 3 avril prochain. Donc voilà, on essaye aussi, bien sûr, de privilégier des auteurs qui nous sont fidèles, qui nous sont, je dirais... Qui vous parlent, tout oui, simplement. Oui, puis qui sont pratiquement devenus des amis, il faut le dire. Et puis, aller vers des horizons inconnus, des terres inconnues, comme dirait l'autre. Alors, vous avez mis un pied dans cette nouvelle programmation. Alors, allons-y avec Anne Goscinny le 3 avril. Alors, est-ce bien la Goscinny qu'on imagine ? Oui, c'est la fille de son père. C'est elle qui ouvrira la programmation du mois d'avril. Anne Goscinny s'est fait un nom. Ce n'est pas facile, on le sait, de marcher dans les pas d'un aussi célèbre papa, René Goscinny. Ça nous parle forcément. Bien sûr. Uderzo et Goscinny ont laissé une trace dans la bande dessinée en particulier. Et Anne Goscinny, elle s'est fait un nom en tant que romancière. Et elle vient pour un très joli livre publié chez Grasset, que j'ai sous les yeux, entre les mains, « Mille façons d'aimer ». Et la thématique de la soirée, ce sera « Et si on déclarait notre flamme, notre amour à l'amitié ?» puisque elle met en avant les histoires d'amitié qui, à ses yeux, sont peut-être plus fortes, plus stimulantes, plus passionnantes et passionnées parfois que les histoires d'amour. Voilà, donc ça, ce sera la semaine prochaine. Et on est très heureux de la recevoir parce que déjà, c'est la gentillesse incarnée, c'est une très belle écriture et je dis qu'il faut laisser sa chance parfois à des auteurs qui portent un nom un peu lourd, oui, parfois. Et j'imagine que pour elle, c'est pas toujours facile. Et parce qu'on en attend plus d'un nom connu. Peut-être. Moi, je pense que c'est réel. Alors, forcément, on viendra voir la fille de Goscinny, mais on vient voir aussi la romancière. Et puis, je vous dis, c'est une boule de gentillesse. Elle regorge d'énergie, elle est extrêmement généreuse. On le retrouve dans son écriture. Puis cette histoire, certes romancée et en partie autobiographique, c'est une histoire d'amitié qui lui est très propre. Et donc, elle a voulu faire quelque chose d'universel. Voilà, donc ce sera le premier rendez-vous d'avril, mais avant, nous recevons Georgia McClough. Tout à fait, c'est le temps fort de jeudi 27 ah oui, mars, une rencontre avec cette romancière autour de son ouvrage « Libres et rebelles, deux photographes dans un pays meurtri ». C'est cela. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, Marlène, mais ça, c'est aussi l'intérêt de ces soirées, c'est que parfois, le public nous dit, à juste titre ou pas, « Ah, mais là, vous recevez plutôt trop de femmes, là, vous recevez plutôt trop d'hommes. » C'est compliqué de respecter la parité par les temps qui courent. Et certains s'amusent et nous disent que depuis quelques mois, nous avons plutôt privilégié la gente masculine. Mais en fait, moi, je ne me... C'est aussi comment... le hasard des disponibilités voilà, qui ne, fait que... Je ne perds pas trop de temps sur cette programmation. Et là, on est très heureux parce qu'on a quelques femmes qui sont annoncées. Donc, cette semaine, effectivement, Georgia McClough, née à Beyrouth, journaliste, écrivaine, très engagée dans l'amitié franco-libanaise, puisqu'elle partage son temps entre le Liban, où elle a encore une grande partie de sa famille, et Paris, où elle est arrivée à l'âge de 22 ans. Georgia, nous la connaissons depuis déjà un certain nombre d'années, puisque c'est la troisième fois qu'elle vient. Elle avait publié, il y a maintenant 5 ans, un très très joli livre qu'on avait mis en avant à l'auberge, Port-au-Prince, aller-retour, qui nous conduisait en Haïti. Et là, cette fois-ci, avec Pays amer, elle nous conduit sur les traces de la première photographe libanaise. C'est une histoire donc inspirée de la vie de Marie El-Kalzen. Et elle lui fait croiser le chemin d'une autre photographe, à savoir Mona. En fait, l'histoire se déroule sur sur un siècle. C'est le destin croisé de ces deux photographes, l'une au début du XXe siècle et l'autre de nos jours, dans les années 2010-2020. C'est extrêmement bien écrit et c'est un regard assez vif, assez, je dirais, sensible sur ce pays qu'elle connaît bien à travers les femmes. C'est le Liban revisité sous le regard de ces deux femmes, ces destins croisés à travers les carnets, les journaux de cette première photographe libanaise. C'est très joliment écrit, je le redis, et c'est surtout un regard à la fois tendre, mélancolique, parfois triste sur ce pays qu'elle connaît bien, ce pays qu'elle magnifie, mais qui est aussi déchiré. Et donc, le regard d'une romancière à travers le regard de la photographe, de deux photographes de surcroît. Donc, formidable. C'est aussi une façon de découvrir le Liban sous une autre manière et de visiter ce pays à jamais meurtri, hein, qui va de catastrophe en catastrophe. Je ne sais pas quoi dire, en fait, de plus. Non, mais c'est tout à fait bien décrit. On imagine un ouvrage qui va parler de création artistique, d'émancipation, de préjugés sociaux également. C'est ça. Donc, parce que ces deux femmes, bien sûr, sont sous l'emprise d'un patriarcat extrêmement puissant. Alors, on pense que les choses ont changé en un siècle. Est-ce que c'est vraiment le cas? Donc, réponse dans le livre. Ce livre écrit, je vous le dis, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de pudeur, beaucoup de sensibilité. Georgia McClough est une fidèle de l'auberge et à chaque nouveau livre, alors elle ne produit pas énormément, elle produit régulièrement, mais vous voyez, tous les 5 ans, c'est quand même pas Amélie Nothon. Donc, voilà, on est très heureux de la retrouver. Et en plus, c'est une façon aussi, je vous dis, d'appréhender ce pays qu'on croit connaître avec beaucoup plus, je dirais, de précision, et le regard des femmes est vraiment très présent. Et en plus, le regard de deux photographes, c'est ça qui fait la force et alors, de ce livre. Justement, je me permets de rebondir là-dessus, puisque on va être évidemment sur une rencontre littéraire. Mais là, est-ce qu'il y aura place à la photo également? Est-ce qu'il y aura la possibilité de voir quelques photos de Marie-Elle Kalsen et Mona? Alors ça, je ne peux absolument pas répondre parce que Georgia McClough arrive, je dirais, avec son lot de surprises. Donc, elle, au départ, a travaillé sur le parcours de cette photographe, mais elle a quelque peu romancé, bien sûr, ce parcours-là, tout en s'appuyant sur des faits bien réels, sur le journal, les carnets qu'elle a retravaillé magnifiquement bien. Les photos sont essentiellement au Liban. Et d'accord. La photo de couverture représente la partie extérieure de cette maison, qui a magnifique maison, qui a tendance à disparaître au fil du temps, car malheureusement pas entretenue. D'accord. Voilà. Donc, 27 mars. C'est sur les hauteurs de Beyrouth, pardon. Voilà. Une magnifique ville qui, on le sait, est actuellement très, très meurtrie. C'est ça. Hélas. Voilà. Donc, jeudi 27 mars, cette rencontre, il est encore temps. Bien sûr, 18h30 et on découvrira une romancière, comme je vous l'ai dit, pleine de générosité, qui arrive avec tout le Liban, finalement, et cette Méditerranée qui vit encore en elle, même si elle habite à Paris depuis l'âge de 22 ans. Elle reste très attachée, bien sûr, à ce pays natal, et elle est forcément attristée de voir tout ce qui s'y passe. On comprend aisément. Très bien. Donc, on l'a dit, peu de temps après, on retrouvera le 3 avril Anne Goscinny. C'est cela. Et puis, nous passons au 25 avril avec Xavier Leclerc. Oui, Xavier Leclerc, c'est un auteur assez puissant par les thèmes qu'il aborde. C'est un auteur qui a été découvert, porté par Jean-Marie Laclaftine. C'est la deuxième fois que nous le retrouvons. Et il vient nous parler du pain des Français. Ah, voilà. Donc, ça fait référence à l'histoire très personnelle l'histoire familiale, je dirais même l'histoire paternelle. Donc, le père de Xavier Leclerc, arrivé en France dans des conditions, je dirais, très classiques, puisqu'il faisait partie de ces migrants. Qui arrivaient d'où ? Essentiellement du Maroc, de l'Algérie ou de la Tunisie, d'accord. En l'espèce d'Algérie, et qui sont venus pour répondre à un appel de main-d'œuvre dans les années 60, hein, qu'on a retrouvé essentiellement dans l'industrie automobile, dans le bâtiment, tout le monde connaît l'histoire, ou dans les champs, hein, cette main-d'œuvre dont on avait extrêmement besoin. Voilà, pour répondre à l'activité économique. Et donc, c'est l'histoire de ce père qui vient bousculer le quotidien de certains Français auxquels on reproche de voler, d'une certaine façon, le pain, d'où le titre. Donc le livre n'est pas encore sorti, je ne peux en parler que de façon très limitée, parce que je ne l'ai pas encore lu, j'ai simplement quelques informations sur la thématique. J'ai pu échanger avec Xavier Leclerc, qui lui a demandé à revenir. Vous voyez, ça répond à votre question de tout à l'heure. Donc nous l'avions accueilli dans le cadre de ce que l'on appelle nos soirées Gallimard, qui ont lieu au mois de novembre, puisqu'il est un auteur, comme j'ai précisé, édité par Jean-Marie Laclaftine, qui le suit depuis ses débuts. Et donc nous avions sympathisé, et je trouve que c'est l'occasion justement d'entendre la voix de Xavier Leclerc et indirectement la voix de son père, parce que cette histoire familiale, cette histoire paternelle, elle est très représentative de la France de cette époque, des années 60, des années 70, et ce sera intéressant justement d'entendre aussi ceux qui ont connu cette situation-là. Alors, dans le cas présent, c'était en Normandie, mais ça pourrait être en région parisienne, ça pourrait être dans le sud de la France. Oui. Et Xavier, donc, a fait de ses souvenirs familiaux et de ses histoires complètement personnelles, son terreau d'écriture. Mm-hmm. Voilà. On ne peut qu'avoir une petite pensée pour Fernand Reynaud et son fameux sketch du boulanger. Ah oui, oui, oui, effectivement, effectivement. Avec un lien, certes, beaucoup plus léger, mais où on est bien, effectivement, dans ce contexte. Souvent, la gaudriole veut dire aussi beaucoup de choses. Bien sûr. L'humour permet parfois de faire passer aussi des sujets plus graves. Bien sûr. Voilà, mais là, c'est traité avec beaucoup de délicatesse et Xavier a une plume formidablement, galopante. Il nous embarque très vite et on oublie en fait que derrière tout cela, il y a des personnages de chair et de sang. Certes, c'est sous la forme de roman, mais on sent bien qu'il y a chez lui la volonté d'élargir, de faire encore une fois d'une histoire personnelle une histoire universelle. Et ça fait du bien par les temps qui courent. Et oui, et ça fait du bien. Et ce qui fait du bien aussi, c'est un petit peu de chant et de musique. Et je crois que c'est au programme à l'Auberge de la Treille, oui, début mai. Régulièrement au mois de mai ou à l'automne, on essaie de mettre en avant un trio qu'on aime particulièrement. C'est le trio Musica Barocca. Donc, c'est sous l'égide de Nadine Drault, qui est une fidèle de nos soirées, qui vient régulièrement, car passionnée par la littérature. Elle était dans une autre vie professeur de philosophie, et aujourd'hui elle se consacre pleinement, alors ça fait déjà très longtemps, mais là maintenant elle n'est plus en activité, donc elle a encore plus de temps pour chanter l'époque baroque. Voilà, et donc ce sera sous forme de cocktail, et donc elle sera accompagnée par deux autres artistes. C'est un trio qui nous plaît énormément parce que c'est un voyage au cœur de cette musique qui est souvent considérée comme un peu lointaine, un peu distante, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et donc, il y a le chant, bien sûr, incarné par Nadine. Il y a aussi la musique. Et il y a, sous forme, je dirais, de poèmes, de petits textes, aussi une plongée donc, dans cette époque. Et c'est très, très agréable. On a l'impression d'être, justement... embarqué dans une autre vie, on dirait. Et puis, c'est vrai que Nadine a un talent fou. Elle a une voix extraordinaire. Hein. Elle fait beaucoup, beaucoup de concerts. Elle est très, très appréciée. Là, elle a beaucoup donné pendant ce mois de mars pour le printemps des poètes. Et c'est vrai que c'est une soirée très particulière, Marlène. Je vous invite vraiment à venir parce qu'il y a le chant, il y a bien sûr y a la musique, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la littérature sous forme de poésie, sous forme de petits textes qu'ils ont écrits eux-mêmes. Et puis voilà, on peut entendre du Purcell aussi, on peut entendre des choses très, très, comment dire, singulières. Et c'est vrai que c'est une soirée qui est en général très appréciée parce que les amateurs de musique classique viennent comme ça très spontanément. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression, je vous dis, d'être déporté dans une autre époque. Voilà. En immersion. C'est ça, donc le vendredi 9 mai. Et le 15, c'est Cédric Gras qui viendra prendre la place. Oui, on va beaucoup voyager, en fait. Là encore, nouveau venu qui vient agrandir la grande famille des auteurs. Car vous devez savoir, chère Marlène, qu'aujourd'hui, on arrive très progressivement au 250e invité. Et oui. Voilà, donc on va fêter cela. Alors je ne sais pas encore quand, mais ça se prépare déjà. Il y a plusieurs projets dans les tuyaux, mais on ne sait pas à quel moment le projet va véritablement éclore. Et là, donc, vous imaginiez ça en 2011 ? Non, on n'y pensait absolument pas, mais c'est une comptabilité un peu triste à tenir. Mais bon, voilà, donc je sais qu'on approche progressivement du 250e invité. Donc là, Cédric Gras, pour un livre magnifique qui nous conduit sur les routes de la soif, un voyage aux sources de la mer d'Aral. Donc c'est en fait, je dirais plutôt un guide. Lui, Cédric Gras, mène sur tous les fronts des voyages au long cours. Il a fait des études de géographe avant de s'expatrier en Eurasie durant près de 10 ans. Et ensuite de se consacrer à l'écriture. Il a déjà publié, notamment chez Stock, Alpiniste de Staline, qui a eu le fameux prix Albert Londres, et Alpiniste de Mao. Donc vous voyez, il connaît bien... Ah oui. Oui. Ah oui, il connaît bien ces régions du monde. Et là, donc, il nous fait partir de la mer d'Aral, qui aujourd'hui, vous le savez peut-être, est quasiment asséché, pour remonter jusqu'aux sources du mythique fleuve Amou Darya. Et donc, il nous plonge à travers les ex-républiques soviétiques d'Ouzbékistan, Turkménistan et Tadjikistan, où il a pêché avec des braconniers, rencontré des ramasseuses de coton et admiré les cités des fameuses routes de la soie. Donc c'est un véritable voyage avec le trio Musica Barocca, c'est un voyage dans le temps à travers la musique. Là, c'est aussi un travail plutôt, je dirais, une plongée à travers les contrées lointaines aujourd'hui, qui est magnifiquement mis en scène par l'écriture de Cédric Gras, ces routes de la soif qu'on a un peu oubliées ou qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est un très joli, très très joli livre. Moi j'aime beaucoup ces livres qui nous conduisent vers des contrées qu'on ne soupçonne pas, dont on entend très peu parler ou alors dont on entend parler pour des raisons politiques. Oui, évidemment. Voilà. Et est-ce que ça donne envie de prendre son billet d'avion ? Moi, je n'ai pas trop l'âme voyageuse. C'est vrai ? Je ne suis pas extrêmement attirée par ces pays. Vous le seriez ? La curiosité, la découverte, parfois. D'accord. Mais déjà, le livre nous amène à découvrir. Alors après, on pourra faire le voyage ensemble, si vous voulez. Pourquoi pas ? Posons tout de suite des vacances. Voilà, donc ça, ce sera le 15 mai. Tout à fait. Donc à chaque fois, on le rappelle pour les auditeurs qui prennent l'émission peut-être en cours, ces rendez-vous ont lieu à l'Auberge de la Treille avec une possibilité à chaque fois de pouvoir prendre le dîner par la suite. C'est ça, donc il y a toujours un cocktail qui suit, qui se déroule lors de la dédicace, puisque les auteurs ensuite sont en contact direct avec le public. Et là, il y a un vrai échange qui peut-être ne s'est pas fait au cours de la rencontre parce que certains ont été un peu timides, ou n'avait pas forcément la spontanéité de poser des questions face au public et préfère le faire en face à face. Voilà. Tout à fait. Donc, et ensuite, si on veut, on peut rester effectivement dîner. Vous savez tout. Eh bien, on sait juste pas où on peut réserver. Ah ben, on peut réserver au 02 47 50 67 17 ou alors par mail. Tout bon moteur de recherche, si on tape Auberge de la Treille. C'est ça, Auberge de la Treille, Saint-Martin-le-Beau, parce qu'il y a une autre Auberge de la Treille en France qui se situe près d'Avignon. D'accord, ah oui, voilà. Tiens donc. Et il y a aussi le très joli petit village de la Treille en Provence. Ah oui, ben voilà. Voilà, où là, on va aller visiter plutôt Pagnols de ce côté-là. D'accord, alors nous en étions à Cédric Gras qui va donc nous enchanter par ses voyages et s'en suivra une soirée exceptionnelle, c'est avec Patrice Duhamel et ça aura lieu le 24. Oui, un samedi soir, donc ça nous arrive de temps en temps. Ah oui, en effet, c'est plutôt le jeudi soir généralement. Plutôt le jeudi ou le vendredi effectivement, mais de temps à autre, nous calons ces rencontres le samedi soir et cela permet de toucher un autre public qui a un peu plus de temps. Alors là, c'est... Encore une fois, à la demande de l'auteur, les choses se sont passées très facilement puisque Nathalie Saint-Cricq et Patrice Duhamel étaient venus en janvier 2024. C'est assez récent. Un an et demi, pour nous présenter leurs ouvrages respectifs. Et là, on change complètement d'époque, on change complètement de personnalité politique. On sait que Patrice Duhamel connaît bien le monde politique pour l'avoir fréquenté en tant que journaliste. Aujourd'hui, il nous revient avec un livre dont on ne peut presque pas parler, j'ai simplement le titre, aux éditions de l'Observatoire. Le livre sort la semaine prochaine et s'appelle « La photo ». Très bien. Donc là, on imagine ce qu'on veut. Oui, c'est difficile de parler d'un livre qui n'est pas encore sorti, que je n'ai pas eu entre les mains, pour lequel j'ai beaucoup d'informations, mais on me demande de garder le silence. Donc, je respecte volonté de l'éditeur. La photo, ça fait référence à un autre livre et à une très célèbre photo. Donc là, je vous dis, on change complètement d'époque, puisque dans son livre précédent, Patrice Duhamel s'intéressait au personnel politique de la Ve République et à l'affrontement quasi perpétuel entre Premier ministre et Président de la République, jusqu'à Elisabeth Borne, donc de 1958 aux années 2023-2024. D'accord. Il n'avait pas eu le temps de traiter encore Gabriel Attal, encore moins Michel Barnier et encore moins François Bayrou. Ça change beaucoup. Ça fera peut-être l'objet d'une sortie en édition de poche ajoutée, comme on dit. Un avenant. Voilà, c'est ça. Donc là, il revient pour encore une fois un livre lié au monde politique qui s'appelle « La photo » aux éditions de l'Observatoire. Donc, c'est un livre très attendu dont on va beaucoup, beaucoup, beaucoup parler dans les médias. Il y a déjà de nombreuses rumeurs qui bruissent dans Paris concernant ce livre et concernant cette photo qui est archi connue et cette photo qui fait l'objet d'une véritable enquête de journalistes comme Patrice Duhamel sait le faire. Là, vraiment, il a déniché un sujet en or. Vous avez l'art de nous... d'éveiller notre curiosité et pas que sur ce sujet-là. Oui, mais attention Marlène, là il faut rendre à César, ce n'est pas moi qui ai eu vent de la sortie de ce livre en premier, c'est le libraire d'Amboise, Frédéric Garbignot, qui tout de suite m'a alpagué et m'a dit il faut absolument qu'on contacte oui, Patrice Duhamel parce que ce livre va sortir début avril et il va faire l'objet de nombreux papiers, je pense de nombreuses émissions télé où Patrice Duhamel sera invité. Mais nous, on est très fiers de l'avoir un peu en guest, comme on dit, à l'Auberge de la Treille le samedi 24 mai, la veille de la fête des mères. Voilà, ça peut faire un très beau cadeau. On peut venir pour la soirée et en profiter pour dîner. Absolument. Avec Patrice Duhamel. Alors, certains me demandent si Nathalie Saint-Cricq sera là. Là, je ne peux présager de rien. Donc, certes, elle est invitée, mais la soirée est cette fois-ci avec consacrée, un seul invité. Voilà. Voilà. Très bien. C'est beau comme cadeau, hein ? Très beau cadeau. Mmh. Alors, ça faisait partie du programme annoncé. J'ai envie de dire, hein, des dates qui sont... Qui sont vraiment calées. Puis après, au mois de juin, on a déjà trois auteurs qui sont définitivement, je dirais, programmés. Il y a Frédéric de Gelt, il y a Frédéric Couder. Et pour terminer donc, le semestre, le 26 juin 2025, bien sûr, Brigitte Benkemoun, que nous recevrons pour la troisième fois, qui publie un livre chez Stock, qui s'appelle La Villa. Très bien. Alors, Frédéric de Gelt, qui est une femme, et Frédéric Couder, qui est un homme. Donc c'est là, ça. Vous voyez que la parité est bien respectée à l'Auberge de la Treille. L'orthographe, bien sûr, n'est pas la même. Frédéric Q-U-E et Frédéric Couder avec un C à la fin. Frédéric de Gelt pour Sauvagerie, un très, très joli livre sorti chez Acte Sud. Frédéric de Gelt consacre véritablement sa vie à l'écriture. C'est un des auteurs qui compte le plus dans le paysage littéraire actuel. Là encore, il s'agit d'un voyage dans les îles, plutôt les Caraïbes, en 1492. Ah, ça vous parle, forcément. Évidemment. Voilà, donc, date de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et donc, c'est une histoire d'amour, de combat, une histoire, là encore, de femme, une indienne qui nous livre ses souvenirs pour ne pas s'installer dans l'oubli. Et c'est l'île, en fait, de Taïnos. Et donc, il faut savoir que Frédéric de Gelt aime faire voyager ses lecteurs. C'est un livre dont on a beaucoup parlé depuis sa sortie en janvier-février dernier. Je rappelle le titre, Sauvagerie, chez Actes Sud. Donc, on note qu'il y en aura pour tous les goûts, de l'amour, des voyages, de la politique et même parfois les deux. On retrouve de l'architecture aussi. De l'architecture aussi. À l'Auberge de la Treille, ces prochains jours, ces prochaines semaines, mais aussi ces prochains mois. Vous avez vu que j'ai déjà quelques dates pour la rentrée de septembre, c'est formidable. Ouais. C'est vrai que Lynn Papin, Pierre Assouline, Alexis Salatko, Philippe Forest, ça va être un automne pétaradant. On voit que vous êtes un passionné, enfin, c'est évident, c'est criant votre passion pour la littérature. Et moi, j'avais envie... Comment ? Vous me dites ça à chaque fois, Marlène. Ça ben fait oui, plaisir. Mais parce que quand on ressort de cet échange ensemble, il y a cette curiosité d'aller justement, d'aller bouquiner, d'aller découvrir ces belles œuvres. Et voilà, c'est quelque chose que vous savez faire, nous donner l'envie. Mais souvent, vous savez, on n'a pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour voyager. Un livre nous fait découvrir le monde. Mmh. Moi, j'ai découvert, entre guillemets, la vie et ses aspérités à travers la littérature. Mon premier grand livre, c'était Jean d'Ormesson, Au plaisir de Dieu. Donc, vous voyez, j'en garde encore des souvenirs incroyables. J'ai presque les frissons, la chair de quand j'évoque ce grand livre de Jean d'Ormesson. Et vous qui êtes un amoureux de la littérature, si vous pouviez inviter n'importe quel auteur, qu'il soit vivant ou disparu, à dîner avec vous. Ah, c'est une question qu'on m'a quelquefois posée. Difficile d'y répondre comme ça à brûle pour point. C'est vrai. Il vous faut une femme et un homme, j'imagine, pour respecter la parité. Oui, tout à fait. Je n'avais pas songé comme ça, mais puisque vous le dites... C'est assez incroyable, mais je vais citer d'abord des auteurs qui, malheureusement, ont disparu. Mmh. J'aurais aimé pouvoir dîner à la table de George Sand, par exemple. Ah. Là-bas, dans sa maison du Berry, à Nohant. Ça aurait été fabuleux, un dîner avec Eugène Delacroix, Franz Liszt, Marie Dagou, et bien sûr Frédéric Chopin. Ça eût été formidable. Et puis, j'aime aussi le parcours de cette incroyable romancière, essayiste, journaliste, femme engagée, qu'on réduit souvent à ses prises de position, mais il faut aussi ne jamais oublier que George Sand reste avant tout une très très grande amoureuse des mots. Elle écrivait pratiquement 10 à 12 heures par jour. Hein. C'était un travail quotidien, c'était son pain quotidien. Donc voilà, ça serait un rêve. Voilà. Mmh. Et Gustave Flaubert aussi. Ah oui ? Oui, oui. Madame Bovary, pour moi, reste un des livres les plus magistraux du 19e siècle, même au-delà. Et puis ajoutons Marcel Proust. Voilà. Très bien. Mais je ne sais pas si ce serait très merveilleux de rencontrer ces auteurs morts, parce que parfois peut s'installer la déception, on le sait. Alors, oui, mais bon, George Sand, Flaubert, ça serait pas mal. Mmh. Et alors, plus près de nous, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui m'a fait vraiment aimer les livres, parce que je lisais pratiquement tout ce qui me tombait sous la main, chaque nouveau roman, je courais chez le libraire. Il s'agit de Françoise Malé-Joris et de Françoise Sagan. Voilà, oui. De Françoise. Ça, c'est, vous voyez, je n'ai cité en fait que des auteurs qui ont disparu. Et aujourd'hui, ben, j'ai la chance d'en rencontrer pas mal. Donc voilà, j'aurais jamais imaginé, par exemple, qu'un jour j'aurais à ma droite ou à ma gauche, peu importe, Tahar Ben Jelloun, par exemple, que je lisais quand j'étais jeune étudiant. Mmh. Ou ensuite. Qui se lit toujours hein, quand oui, on est étudiant aujourd'hui. Hein. Voilà, mmh. Il y a un nouveau livre qui vient de sortir chez Gallimard de Tahar. Et puis, j'ai eu aussi cette chance incroyable de croiser Irène Frein, de croiser Éric Fotorino. Voilà, là, c'est formidable parce que je peux dire que j'ai passé des moments magnifiques avec eux. Et puis, c'est vrai qu'il y a des auteurs comme ça qui comptent énormément dans l'histoire de l'auberge, mais aussi dans notre histoire, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on est deux, qu'il y a aussi Jean-Marie qui, lui, s'occupe de la brasserie de l'Île d'Or, mais il est aussi là à l'auberge, et donc lui aussi est fan, il lit beaucoup de livres historiques, et donc on a eu la chance d'avoir de très grands historiens à l'auberge, en particulier Didier Le Fur, dont on attend le retour pour sa biographie de Charles IX, sur laquelle il peine un petit peu, mais voilà, on pourrait espérer une sortie en 2026. Eh bien, on vous écouterait pendant des heures. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Enfin, complètement. Vous avez complètement répondu à la question, aux questions, d'ailleurs, à toutes les questions depuis le début de cette émission. Et puis, un rêve, peut-être, Amélie Nothomb. Oui. Vous avez essayé ? Oui, j'ai essayé, mais c'est compliqué avec Amélie. C'est une auteure qui fait beaucoup de rencontres, mais essentiellement en librairie, et qui fait ce que l'on appelle des dédicaces sèches. Et ce n'est pas le cas à l'auberge, c'est-à-dire qu'avant la dédicace... Vous pouvez préciser la dédicace sèche ? C'est-à-dire qu'elle est là, derrière sa table, et il n'y a pas véritablement d'échange avec le public. Mmh. Ce sont des lecteurs qui viennent, un autographe, quoi. Voilà, qui échangent et qui lui tendent un livre et qui le font dédicacer. Mm-hmm. Moi, ce que je veux, c'est vraiment une soirée autour de l'univers d'Amélie Nothomb. Et je ne sais pas si elle se prêterait vraiment au jeu, comme ça, en public. Pourquoi pas, peut-être. Il faut relancer la machine. Ce n'est pas facile, mais c'est un rêve. Quelquefois, il faut persévérer. Enfin, pas quelquefois, mais il faut toujours persévérer, puis on finit par être récompensé. Bien sûr. Voilà. Bah écoutez, quand ce sera le cas, j'espère que vous ferez un plaisir de venir nous l'annoncer. Vous viendrez la rencontrer. Et on viendra bien évidemment la rencontrer. Merci beaucoup, Christophe. Alors, je redonne le numéro de l'auberge, le 02 47 50 67 17. pour que vous puissiez réserver, en l'occurrence, notamment pour ce jeudi 27 mars, pour rencontrer la romancière Georgia McLouf. Voilà, et pouvoir voyager au Liban pour cette belle soirée. Ah, c'est un livre magnifique, vraiment. Je suis en train de le lire. J'ai déjà avalé plus de 120 pages et c'est remarquablement écrit. Et puis, je vous dis, c'est un regard différent sur ce pays dont on parle beaucoup en France, parce qu'on sait que le lien entre les deux pays est très fort, encore aujourd'hui. Hein, il y a beaucoup de Libanais qui ont la double nationalité et qui vivent en France. Il y en a d'autres qui sont restés là-bas. Et ce n'est pas, une partie de plaisir d'habiter Beyrouth en ce moment. Voilà. Oh que non. Eh bien, merci beaucoup. Merci encore à Radioactive. On est toujours extrêmement bien accueillis, aussi bien par votre technicien Vincent. Vincent, que je tiens à remercier, et par vous, toujours le sourire aux lèvres. On essaie. Merci beaucoup, Christophe. C'est gentil. Merci à vous. C'est la fin de ce mag, alors notez bien toutes les dates, on repassera évidemment les informations sur la page Facebook Radioactive 93 et 94.7. FM pour que vous ne ratiez rien de ces rendez-vous de littérature à l'Auberge de la Treille. On se retrouve demain à 18h pour un nouveau mag.